Nyangi. Bonjour et merci de nous rester fidèles. Bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grandes articulations. La Chambre haute du Parlement burundais déménage dès demain vers Gitega, la capitale politique. À la Chambre basse du Parlement, l'on attend le rapport d'une commission ad hoc. Grogne des habitants du quartier 1 de la zone urbaine d'Ongagara. Ils viennent de passer plus de deux semaines sans électricité. Toute personne ayant conservé des marchandises évacuées du marché de Matana qui a récemment pris feu est priée de remettre sans délai les marchandises récupérées au risque d'être considérée comme voleur. Dans ce journal, nous vous ferons également une lecture d'autres articles du nouveau projet du code électoral. Vous aurez également la deuxième partie de la chronique judiciaire sur la présomption d'innocence. Et Metoussin Mitebouti assure la mise en onde. Rebonjour. La présidence de la République du Burundi affirme avoir reçu l'invitation du 20e sommet ordinaire des chefs d'État de la communauté est-africaine prévu le 1er février de cette année. Alain Diomède Nzeimana, porte-parole adjoint du président de la République, indique que le gouvernement n'a aucune raison de ne pas participer à une telle rencontre. Ce 20e sommet est convoqué pour la troisième fois après deux reports à fin de l'année dernière. Je vous l'annonçais en titre, une commission du Sénat burundais chargée du déménagement vers Gitega, la capitale politique du Burundi, vient de sortir en calendrier relatif. C'est à partir de ce vendredi 18 janvier jusqu'au 1er février de cette année. Du côté de la Chambre basse du Parlement burundais, une commission va être mise en place pour se rendre d'abord sur terrain et pour étude de faisabilité. Précision ce mercredi du président de l'Assemblée nationale lors de l'analyse du projet de loi fixant Gitega comme capitale politique et Bujumbura comme capitale économique. Pascal Nyabende appelle les habitants de Gitega à faire preuve d'hospitalité et de ne pas repousser les originaires des gens originaires d'autres provinces. Je vous prie de le suivre, traduit en français par Alain Désiré Boukéenez. Twapfunditse mu nama ya biro yuko tugiye gushiraho umugwi uhuriweko n'abashinga mateka. Au bureau de l'Assemblée nationale, nous nous sommes accordés que nous allons mettre en place une commission rassemblant les députés et le personnel de l'Assemblée pour qu'ils aillent à Gitega et travailler avec la commission chargée de la mise en œuvre du plan directeur de la future capitale politique. Ils analyseront si le déménagement de l'Assemblée nationale peut être immédiat, sinon dans un mois, dans une année, dans deux ans. Cela ressortira du travail de cette commission. Après l'analyse du rapport, nous nous y mettrons. Dans ma vie, je n'aime pas la va-vite. Je le fais lentement, mais sûrement. C'est ainsi que nous le ferons et nous pourrons nous préparer. Ça ne veut pas dire que ça ne nous concerne pas, non. Mais que ce soit fait progressivement, sans lamentation. Nous demandons qu'à Gitega, comme capitale politique, que l'on sache qu'ils vont accueillir des gens de différents horizons. Il y a des provinces inhospitalières, que Gitega soit prêt. Il y en a qui vont faire du travail que jusqu'ici, seuls les ressortissants de Gitega faisaient. Désormais, ils vont accueillir d'autres. Pascal Nyabenda, président de la Chambre basse du Parlement burundais, toujours en page politique, le nouveau projet de code électoral apporte des balises par rapport aux candidats sénateurs qui se désisteraient. Les sièges non occupés sont répartis aux autres, mais il y a bien entendu des modalités. Le candidat aux élections collinaires ou de quartier doit, pour sa part, être d'une moralité et d'une intégrité irréprochable. Léonce Vitaliou. Selon l'article 142, qui a été amendé partiellement, le Sénat est composé de deux délégués de chaque province, élus par un collège électoral et composé de membres des conseils communaux de la province considérée, provenant des communautés ethniques différentes et élus au cours des scrutins distincts. Il y a également trois membres de l'ethnie Twa cooptés par la CENI et provenant des régions différentes. Il est assuré un minimum de 30% de femmes. Si ce pourcentage n'est pas atteint, c'est la CENI qui résorbe les déséquilibres en consultation avec les partis politiques ou coalitions de partis politiques ayant atteint 2% des suffrages exprimés. L'article 143, également amendé partiellement, prévoit qu'en cas de désistement d'un parti politique ou d'une coalition de partis politiques ou d'un candidat indépendant, après les élections, les sièges non occupés par les gagnants sont répartis aux partis politiques ou coalitions des partis politiques siégeant au prorata des suffrages obtenus. Le point D de l'article 158, amendé partiellement, mentionne que le candidat aux élections des sénateurs doit résider au Burundi lors de la présentation des candidatures et être natif, épouse du natif ou du ressortissant, établi ou ressortissant de la province concernée. Le même article précise qu'il doit aussi jouir de tous ses droits civils et politiques. L'article 158 est pour les candidats sénateurs est semblable à celui portant le numéro 125 pour les candidats députés. Il n'y a pas beaucoup de changements en ce qui concerne l'élection des conseillers de colline ou de quartier et des chefs de colline ou de quartier. L'article 170 mentionne que le conseil est composé de 5 membres élus au suffrage universel direct. Le conseiller qui a obtenu le plus grand nombre de voix devient chef de colline ou de quartier. De nouveau, pour le candidat membre du conseil de colline ou de quartier, et selon l'article 172 de ce projet, il doit jouir d'une moralité et d'une intégrité irréprochables dans l'entourage. Vous n'avez pas Isangani lo ? Vous ratez l'essentiel. À 13h01 dans les studios de la radio Isanganiro, poursuivons ce journal. Certains habitants du quartier 1 de la zone urbaine d'Ongagara se plaignent, viennent de passer plus de 2 semaines sans courant électrique. Ils demandent qu'ils indiquent qu'ils ont déjà informé la régie des eaux de cette situation, mais sans succès, ils affirment que leurs enfants élèves ne peuvent pas réviser leurs notes et demandent aux autorités habilitées de résoudre ce problème. Les détails avec Vestine Boutoui. Ces habitants d'Ongagara, quartier 1, disent qu'ils viennent de passer plus de 2 semaines sans électricité de la régie des eaux. Celle-ci est l'une d'entre eux. Ça fait maintenant 3 semaines. C'était le 26 décembre exactement. Il ajoute que la régie des eaux est au courant de sa panne électrique et que celle-ci s'est rendue sur terrain, là où sont ses fils en panne, et les a déterrés, mais que ce problème n'est pas résolu. On nous avait dit qu'il y avait des câbles qui sont en-dessus des maisons, mais par après, on nous a dit que les agents de la régie des eaux sont venus, ils ont essayé de réparer ça, mais ça n'a rien donné. Pour cela, elle affirme qu'ils ont pas mal de difficultés, entre autres, celle de réviser les notes pour les élèves et de repasser leurs vêtements. Les enfants ont déjà commencé l'école, ils n'ont pas comment étudier, ils vont pas réviser. On a le problème d'aller charger nos téléphones chez les voisins, repasser les habits et tout ça. Même ceux qui exercent le petit commerce déplorent du manque de clients à la tombée de la nuit, mais aussi le fait d'utiliser beaucoup de bougies pour éclairer leur kiosque, alors que celles-ci faisaient partie de leurs bénéfices. Ces habitants d'Ongagara, quartier 1, demandent aux autorités habilitées de résoudre ce problème le plus tôt possible. Vestine Boutoui, je vous l'annonçais en titre, toute personne qui conserve encore des marchandises évacuées du marché de Matane lors de l'incendie de dimanche qui ne sont pas les siennes est priée de les remettre à la commune sans délai afin de ne pas être taxée de voleur. Cela a été décidé lors d'une réunion tenue ce mercredi à Matane afin de statuer sur l'avenir de ce marché. Plus de détails avec Jean-Pierre Misago. Selon Pacifique Saviumba, conseiller économique du gouvernement de Bururi qui avait participé dans cette réunion, les commerçants victimes de l'incendie du marché de Matana ont déclaré que des personnes qui se sont passées pour des sauveteurs ont conservé des marchandises dans des maisons situées près de ce marché. Et jusqu'à présent, l'essentiel de ces marchandises n'est pas encore récupéré par leurs propriétaires. Au cours de cette réunion, il a été recommandé à toutes les personnes qui seraient encore en possession des marchandises qui ne sont pas les siennes de bien vouloir les remettre à la commune afin que leurs propriétaires les récupèrent. Dans le cas contraire, la personne qui sera attrapée sera punie comme un voleur. Pacifique Saviumba informe que les commerçants ont exprimé leur désir de travailler dans cette même place sur des planches en attendant la réhabilitation de ce marché, car selon eux, c'est cette place qui offre des facilités de conservation des marchandises après le marché. Jusqu'à présent, le bilan fait état de 427 kiosques et 5 hangars partis en fumée et un comité présidé par l'administrateur communal de Matana a été mis sur pied afin de statuer sur les démarches pour la reprise des activités dans ce marché. En attendant, des travaux de balayage de ce marché sont prévus ce samedi. Jean-Pierre Misago, depuis Bururi, Radio Isanganiro. En page santé, mais cette fois-ci en province Bubanza, c'est à l'ouest du Burundi, les enfants de moins de 5 ans estimés à plus de 56% selon une enquête nationale publiée l'année passée sont dans une situation de malnutrition chronique dans cette province. Les habitants de la dite province réclament la restauration des foyers d'apprentissage et de la réhabilitation nutritionnelle fermée. Et la réhabilitation nutritionnelle fermée il y a 2 ans, ils l'ont dit ce mercredi lors du lancement officiel de la mise en place de la plateforme multisectorielle de nutrition, nous rapporte Spes Caritas Kabanyan. Une enquête réalisée par Listebourg et publiée l'année passée en 2018 montre un pourcentage de 56,7% des enfants de moins de 5 ans en situation de malnutrition chronique. Et de façon globale, la population en situation de malnutrition est estimée à 54,5% selon Dr Brigitte Nderema qui avait représenté l'ONG Concern au cours de la réunion de la mise en place de la plateforme multisectorielle de nutrition et des réseaux de la société civile pour le renforcement de la nutrition et la sécurité alimentaire. C'était ce mercredi à Bouanza. Les habitants de cette province de Bouanza demandent que les foyers d'apprentissage et de réhabilitation nutritionnelle soient restaurés et qu'ils soient encore une fois fonctionnels. Ces foyers qui étaient situés dans les communautés sur les collines, chez les mères appelées mères lumières, ne sont plus fonctionnels il y a 2 ans suite au manque de vivres suffisants et adéquats et au manque de suivi, comme le souligne la même source. Docteur Brigitte Nderema de Concern a émis le souhait que la nutrition soit une préoccupation de tous les secteurs, que ce soit dans l'enseignement, dans l'agriculture et l'élevage, dans la santé, dans le commerce et autres. Spécialitas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Quittons la province Bubanza pour nous rendre en province Gitega où 45 filles venues de cette commune de la province Gitega qui n'ont pas pu continuer leurs études ont reçu ce mercredi des certificats en couture et boulangerie. Ceci a été réalisé à travers le programme Moremwana de l'ONG SGPAE et chacune a reçu le matériel de démarrage. Le directeur national de l'ONG SGPAE leur a demandé de travailler en association et de former d'autres jeunes. Une information que nous devons à notre correspondant en province Gitega, Arthur Nyonguru. À la source, reportage. Certaines femmes de la commune Mhanda en province Bubanza s'occupent actuellement des métiers jadis dominés par des hommes. L'exemple concret est celui d'une femme chauffeur de taxi sur le tronçon Musenyi Bujumbura. L'administration communale se dit satisfaite de l'étape déjà franchie dans l'autonomisation de la femme. Un reportage signé Moïse Misago. Muhimundu Claire, une femme mère de 6 enfants, habite sur la colline Gifugwe et transporte des personnes et des biens au parking de Musenyi. Cette femme souligne qu'elle essaie de marier son travail et ses tâches ménagères. Le travail de transport en commun est trop fatigant. On rentre fatigué à cause des clients. Normalement, avec mon travail de transport des personnes et des biens, je me réveille chaque jour très tôt le matin à 5h30. La veille, j'arrange tous les travaux ménagers. Je rentre entre 17h30 et 18h30 au plus tard. Je me range à ce que je suis de près mes enfants à la maison pour éviter le désordre dans le foyer. Quand on s'entend bien avec mon mari, des obstacles ne manquent pas car, dit-elle, des fois, certains clients ne veulent pas payer la totalité du ticket de transport. Les obstacles auxquels je fais face, c'est le montant du ticket. Des fois, certains clients ne veulent pas me payer la totalité et cela parce que je suis une femme. Son mari

sur les faits sur lesquels il est en train d'enquêter sont vraiment suffisamment étoffés, il poursuit l'inculpé et démontre les faits comme ils se sont déroulés sur base des preuves. Mais aussi lorsqu'il n'est pas suffisamment éclairé, parce que c'est lui qui doit aussi éclairer la lanterne de la juridiction, il est obligé aussitôt plaider à des charges de l'inculpé. Ce principe de la présomption d'innocence doit être respecté dans toute la procédure, et cela dans le respect des droits de la personne humaine. Merci Alain Désiré Boukéneza pour cette chronique judiciaire à 13h15 dans les studios de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive et merci également à l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser, à Aimé Toussamitebouti qui a assuré la mise en onde. Je vous dis un grand merci. Un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir.